Chapitre 17e. 4 jours plus tard, Boyne se retrouvait dans le salon du chalet en face du Cristallo. Il avait télégraphié à Judith. « Tout va bien, sans faire signe à Rose. » Celle-ci n'approuvait pas le voyage, sans avoir été jusqu'à exprimer son sentiment, et elle s'était même offerte spontanément pour donner un coup d'œil à la pension Rosenglue. Ses objections, elle n'avait pas besoin de les formuler. Elle transparaissait dans toute sa délicate personne, dans ses gestes, dans ses regards. C'est même ce qui donnait tant de prix au moindre témoignage de son approbation. « Ce n'est pas une personne difficile, » se disait Boyne. « C'est une personne qui choisit. » Et il ne doutait pas du choix qu'elle ferait une fois qu'elle saurait tout. Elle était sortie. Il s'assit pour l'attendre et sa conviction s'accrut de tout ce qu'il voyait, de l'atmosphère de la maison et de sa parfaite harmonie. Willkommen, the Sir Damershine. Cette réminiscence de Faust lui revint d'elle-même et prit son vol dans le paysage. Une paix immense l'envahit, descendue de ses plénitudes de lumière et de solitude, où la petite chambre au plafond bas, pleine de fleurs et de livres, l'ouvrage abandonné sur le fauteuil, la lettre commencée sur le bureau, faisait un humble accord, mettait dans le concert une musique de vie tranquille et réglée. Quel bonheur de revoir des choses qui ont un sens, se dit-il. J'étais en train de m'imaginer que le monde entier avait perdu la tête, et il se laissait envelopper par le doux enchantement que les choses tissaient autour de lui. La porte s'ouvrit. Rose était sur le seuil. Ils s'embrassèrent. Plus tard, il devait se rappeler ce baiser. Elle s'attardait dans ses bras, les mains sur les épaules de son ami. Sans reproche. Vous ne m'avez même pas prévenu de votre retour. Jusqu'à la dernière minute, je n'ai pas su si je pourrais partir. J'ai attrapé le train au vol, dit-il. Et il se passait la main sur les yeux comme pour se convaincre qu'il n'était pas le jouet d'un songe et qu'il y avait encore réellement des créatures comme son ami, faites de lumière et de raison. Vous n'avez pas l'air d'un qui rapporte la victoire, interrogea Madame Sellers. Mais si, succès complet. Ah ! Il crut découvrir dans cette interjection une nuance de dépit. Il y a des occasions où on se résigne aux bonnes nouvelles. Mais sans doute c'était une injustice. Alors vous avez réconcilié ces Water? Je les ai réconciliés. Avec l'idée de ne pas séparer les enfants, au moins provisoirement. À la bonne heure, dit-elle avec une émotion chaleureuse. Voilà qui vaut mieux pour Terry que les Alpes et les Dolomites. Et pour Judith, ajouta-t-il. Il avait cédé au besoin d'associer la jeune fille à son triomphe. Sans doute, mais Judith est une jeune personne qui n'est pas empruntée. Elle a bec et ongles pour lutter. C'est qu'il lui faut lutter pour tous les autres et lutter contre tout le monde. Ce fut fini de l'impression de bien-être qui le remplissait tout à l'heure. Qu'était-elle devenue? Il avait suffi du petit mot de Rose sur Judith pour la faire évanouir. Il avait réussi, c'était vrai. Gagner du temps, c'était les 9/10 de la victoire. Mais comment, à quel titre, faire entrer Rose dans le tableau? C'est étrange. Loin d'elle, il ne sentait que son ardeur et son courage. De près, il n'était plus sensible qu'à ses réserves et à son instinct un peu timoré. « Racontez-moi donc ce qui s'est passé, » insistait-elle. « Eh bien, à la dernière minute, ils m'ont constitué le tuteur officieux des enfants, quelque chose comme un tuteur à l'essai. » Un tuteur à l'essai. Ce doit être une jolie situation. Elle rit et son rire envoya cette fonction se dissiper dans la région des nuées. Il n'y a pas de quoi rire, fit-il vexé. C'est très sérieux, je vous assure. Moi, pour comprendre, j'ai besoin d'explications. Encore, à s'expliquer. À cet instant-là, Boyne connut que c'était là ce qui lui coûtait. Avec Judith, avec Terry, il n'aurait eu que faire d'une explication. Il n'avait qu'à dire « tout va bien » pour déchaîner des sauts de joie et des jubilations. Cela se passait de raison. La vie leur avait appris qu'il ne faut pas tant demander. Mais la logique est plus exigeante, et c'est elle qu'il voyait assise devant lui, les mains jointes et attentives. « Tiens, j'oubliais !» s'écria Boyne, en frappant tour à tour les deux poches de son pantalon. « Voici un petit rien que je vous ai apporté de Venise. » Il tira un petit paquet déficelé et informe, comme tout ce qui sortait de ses poches. développa le papier et fit jouer le ressort d'un écrin de maroquin. Le couvercle, en se relevant, découvrit un pendentif de cristal de roche dans une dentelle de vieil émail. Ce fut un désastre. D'une main rapide, Boyne avait repris le bibelot, enveloppé de nouveau la boîte et enfoui le tout dans sa poche, en rougissant comme un écolier pris en faute. Fouillant plus avant, il sortit un second petit paquet aussi mal ficelé que le premier et attira à lui une des fines mains de rose. « C'est celui-là qui est pour vous. » Et il lui glissa au doigt un saphir entouré de diamants. Elle baissa les yeux dans un geste de gratitude gentil. « C'est beaucoup trop beau, » protesta-t-elle. Puis, un éclair de gaminerie lui joua au fond des yeux. « Seulement, vous vous trompez de main. C'est à l'autre qu'on met cela. Si du moins vous voulez que ce soit notre bague de fiançailles. » « Ça m'en a tout l'air, entre nous, » reprit-il. Mais il pensait intérieurement. « Voilà bien l'ennui. C'est la bague que le premier venu donnerait à n'importe qui. Cela n'a rien de personnel. » Et tout haut, il reprit. « Je n'ai pas eu le temps de trouver ce que je voulais. » Mais il s'aperçut que c'était encore une maladresse. « J'aurais voulu pour vous quelque chose de particulier. C'est votre sentiment qui fait le prix de ce cadeau. Et d'ailleurs, il est si joli, » ajouta-t-elle d'une voix plus tiède. Elle lui tendit la main gauche et il plaça la bague. « Pas de chance, » grommela-t-il. Cette bague l'avait ruinée sans faire plaisir à son ami. Il voyait bien lui-même qu'elle était d'une banalité lamentable et que Rose surtout lui en voudrait toujours d'avoir empoché le premier bijou, lequel n'était rien lui-même, mais qui avait piqué son envie dès qu'elle avait appris qu'il était pour une autre. Fallait-il le ressortir et la prier de l'accepter? Mais non, ce n'était plus possible. Judith, elle, dans le même cas, mais quelle absurdité! Ce serait écrit qu'elle préférait le bibelot. Mais un tel manque de tact n'était pas à attendre de Madame Sellers. Celle-ci serait morte plutôt que de laisser voir qu'elle avait donné une pensée à cette bagatelle. Rose faisait jouer les diamants au jour et en admirait les feux à chaque mouvement de sa main. Elle insista pour connaître tous les détails de la négociation. Donc Boyne s'installa confortablement dans son fauteuil et se mit en devoir de tout raconter. Mais il avait beau faire, il ne savait par où s'y prendre. C'était comme s'il tirait toujours le paquet qu'il ne fallait pas. Comment faire comprendre à Rose qu'une fois les parents rassurés sur le sort des enfants, la négociation s'était poursuivie à bâton rompu entre des bains de mer et de soleil, des cocktails, des foxtrots, des parties de poker, et en présence des tiers les plus indésirables? Faire admettre à son ami que Lady Wrench, le mari de celle-ci et le précepteur avaient pris part aux entretiens, ce n'était déjà pas une petite affaire, mais lui faire avaler en outre Madame Lulmer, encore célèbre sous le nom de l'ex-Madame Westway, comme futur remplaçant de Joyce, c'était lui demander un effort de compréhension trop violent. L'exquise distinction de la nature l'avait tenue dans une ignorance très sincère de tous les compromis de l'existence moderne. Elle croyait encore à l'existence d'un monde d'autrefois, où on ne parlait pas aux personnes tarées, où on ne prenait pas pour confident précisément un ennemi ou une rivale. Aussi lui arriva-t-il plus d'une fois de ponctuer le récit que lui faisait Boyne de murmures de malaise et d'incrédulité. « Il faut vous dire, expliqua-t-il, que dans ce tourbillon il n'y a pas d'inimitié qui dure. Tous les sentiments se mêlent, tous s'abolissent dans l'universelle confusion. Une considération d'intérêt, une partie de plaisir qu'on ne veut pas manquer, réunit tout le monde et enterre les différents. Mais la plupart du temps, c'est simple oubli. Ces gens-là n'ont pas plus de mémoire que les sauvages. Ils n'ont même plus l'esprit de clan qu'ont les sauvages. Il ne leur reste que les instincts primordiaux, la faim, la toilette et la danse. Je crois que nous revenons à une espèce de sauvagerie, moins les goûts sanguinaires. De plus, dans ce monde-là, on ne peut penser que d'une manière collective. Isolés, ils deviennent incapables d'une opinion. Ce serait trop fatigant, et puis cela serait gênant pour les relations. Toute leur morale, c'est « pas d'histoire ». Et c'est en spéculant sur cette maxime héroïque que j'en suis venu à mes fins. C'est-à-dire ? Ici, Boyne se trouva embarrassé pour répondre. Ses idées n'étaient pas trop claires, mais enfin, cela pouvait aller ainsi provisoirement. Et le temps, c'était tout, principalement pour Terry. Les petits restent ensemble, on les laisse ici 3 ou 4 mois. C'est Lady Wrench qui m'a donné le plus de mal à gagner. Son mari s'est pris d'un caprice pour Ginny, et il se rase tellement dans la vie que sa femme saute sur toutes les occasions de l'amuser. Heureusement, au terme du divorce. Quel divorce ? Questionna Rose, qui voulait voir clair dans toutes les cartes. Le divorce Water Lacrosse. C'est Water qui a gagné son procès contre la présente Lady Orange. Légalement, c'est lui qui a la parole au sujet de Ginny, de sorte que la mère a dû céder. La loi ne lui donne sa fille qu'à certains intervalles. Mais le coup de maître, ça a été d'enlever la garde de Chipstone. Si les parents avaient insisté pour le garder jusqu'au jugement, toute la combinaison était par terre. Et comment avez-vous réussi le sauvetage de Chipstone ? Boyne s'enfonça dans son fauteuil et regarda le plafond, puis se redressa et ramena son regard à la hauteur des yeux de Rose. « J'ai promis de rester et d'avoir l'œil sur les petits. C'est cela, mon essai de tutelle. » Il rit légèrement. Sa gaieté resta sans écho. « Martine ? Eh bien ?» Elle tournait avec hésitation la bague neuve autour de son doigt. « Mais cela n'a pas de bon sens. Ces enfants que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam, et que vous rencontrez un beau matin sur le bateau, vous en prenez de gaieté de cœur la responsabilité. C'est admirable. D'ordinaire, on n'a pas à se déranger pour aller au-devant des responsabilités. Elles viennent à vous toutes seules, et plus nombreuses qu'on ne le voudrait. Je vous admire, mon cher, mais je renonce à vous comprendre. Pourquoi donc ? Ne m'avez-vous pas dit que ces enfants voulaient retourner en Amérique ? Ce qu'ils souhaitaient, c'était de vivre chez leur grand-mère. Parfaitement. Et j'espère bien que c'est ainsi que tout finira. Mais pour le moment, les parents ne veulent pas en entendre parler. Je n'ai jamais eu l'illusion de croire qu'ils se résigneraient à mettre l'océan entre eux et ce bon Chip. Je n'avais qu'une chance, qui était de les persuader qu'une fois terri dans les montagnes, il ferait mieux de l'y laisser avec ses frères et sœurs jusqu'à la fin des chaleurs. Avec ces gens-là, tout est un problème de moindre résistance. Trouver le moyen de temporiser et d'ajourner. Mon programme avait l'avantage d'épargner à tout le monde un certain effort cérébral. Tout le monde a fini par s'y rallier. Mais cela ne peut être qu'une solution provisoire. Heureusement, dit Rose en souriant, et elle ajouta pour corriger l'aigreur de sa remarque. Vous voyez bien, mon cher ami, que vous assumez pas mal de risques. Quel risque ? Un accident, que sais-je ? Ce qui peut se passer d'ici à quelques mois. Vous êtes responsable. Et avec sept enfants, dont une grande fille. Boyne se rembrunit et s'agita dans son fauteuil. Judith n'est qu'un enfant aussi enfant que tous les autres. Madame Sellers adressa un sourire secret à son anneau. Voilà bien les hommes. Vous oubliez, mon cher, que je viens de passer 4 jours tête à tête avec elle. C'est une jeune personne qui a des idées très arrêtées. Je l'espère bien. J'en conviens avec vous que c'est ce qui la rend intéressante. Mais cela peut aussi amener des complications. Cette fois, c'est moi qui ne comprends pas. Vous devriez pourtant le savoir mieux que personne, puisque vous venez de me dire que vous n'avez pas quitté l'ex-madame Westway pendant votre séjour au Lido. Judith ne cache pas qu'elle a passé tout un été dans le sein de cette édifiante famille. C'est qu'elle n'imagine pas qu'il y ait rien à cacher. Cela ne vous touche pas. Si, mais cela m'effraie. Mais je ne vais pas vous faire un serment et vous prêcher la prudence, vous me détesteriez. Il y a 2 heures que ces pauvres petits attendent des nouvelles. Elle se releva. Elle avait changé de ton et de visage. C'était comme si un nuage, en se dissipant, lui avait rendu un dernier rayon de sa jeunesse. Il s'aperçut qu'elle était en blanc, une rose au corsage, et qu'elle avait un grand chapeau de paille pendu à son bras par les brides. « Descendez vite, mon cher, et cours les voir, il commence à se faire tard. » Je vous accompagne quelques pas, puis je remonterai. J'ai des lettres à écrire, des lettres très importantes, une surtout à la tante Julie. Ces petits seront heureux de vous avoir à eux tout seuls. Elle ajouta, magnanime. Je dois dire qu'ils se sont tenus comme des anges pendant votre absence. Ils tenaient à vous faire honneur. Elle prit le bras de Boyne, mais à la lisière du bois où le sentier se croisait avec la route, elle le quitta. « Vous revenez dîner ? » dit-elle. Moi aussi, j'ai des nouvelles à vous apprendre.